pardonne pas. Cette fille est faite pour toi. Tu verras quand le nuage de son cœur disparaîtra. Elle t'aimera, n'abandonne pas. Son destin s'est perdu dans ses choix, mais son âme est à l'affût d'un roi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tu trembles à chaque fois que tu la vois, même si tes yeux brûlent d'amour pour elle, accroche-toi, n'abandonne pas. L'amour, tu y as droit, crois-moi, avec de la passion, tu gagneras. N'abandonne pas, cette vie vaut le coup d'être là. Tu verras, même si ton chemin est long et froid, ça changera, n'abandonne pas. Car lorsque tu regardes autour de toi, tout peut être chanson et joie. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Rien n'est jamais facile. Et tranquille, lève la tête. Face au soleil, tu t'épanouis, tu te réjouis. N'abandonne pas. Bats-toi et marque tes pas. Tu es un roi. Relève-toi et surtout ne te retourne pas. N'abandonne pas, même si ton cœur pleure parfois, même si ton âme souffre tout au fond de toi, tu y crois, n'abandonne pas. Tous les obstacles, tu les passeras, et le monde tournera avec toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas, même si tu es au milieu de tout cela. L'amour, la vie et ses défis ne t'arrêteront pas. Tu vois, n'abandonne pas. C'est toi qui as le contrôle de tes émois. Tu es debout, tu ne seras plus à genoux. N'abandonne pas, cette fille est faite pour toi. Tu verras quand le nuage de son cœur disparaîtra. Elle t'aimera, n'abandonne pas. Son destin s'est perdu dans ses choix, mais son âme est à l'affût d'un roi.